Nous sommes à Séville, dans une rue où toutes les fenêtres sont munies de grilles. Le comte Almaviva, seul, en grand manteau brun et chapeau rabattu, tire sa montre en se promenant.